Des personnalités russes ont formulé du soutien à la cause juste du peuple coréen. Le spécialiste des affaires militaires, Viktor Murawski, a dit que les Américains disposent de pléthorie forces armées d'agression dans les eaux de la péninsule coréenne, que ce n'est qu'une manifestation de la force des États-Unis incapable et que la démarche militaire américaine anticipera la ruine. Le professeur Andrei Rankov a fait remarquer que le lancement expérimental de la Corée de la fusée balistique intercontinentale à la journée de l'indépendance américaine est un signal que la Corée fait tout ce qu'elle doit faire sans égard à la contrainte d'autrui et que ces mesures pour se défendre contre les actes hostiles des Américains sont tout à fait justes.